Depuis un article de 2005 qui avait fait grand bruit, les sciences traversent ce qu'il est courant d'appeler aujourd'hui une crise de la reproductibilité. De nombreux résultats n'ont pas pu être retrouvés dans des conditions expérimentales similaires, notamment en psychologie. Quel lien entre cellules tumorales et neurones ? Des liaisons dangereuses si on en croit plusieurs études qui montrent comment certaines synapses nourrissent littéralement les tumeurs. Et enfin, le grand marché des météorites va s'ouvrir à la salle Drouot le 21 octobre prochain, une vente aux enchères qui brasse beaucoup d'argent au grand détriment des professionnels de l'observation spatiale. Réplicabilité, tumeurs et neurones et marché des météorites, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour détailler ce programme, ils sont un peu les trésors du marché de la vulgarisation scientifique, bien qu'ils ne soient pas encore, pour le moment, mis aux enchères, mais ça ne saurait tarder, on ne sait jamais. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science et toute récente chevalière de l'Ordre du Mérite. Félicitations Cécile. Oh, vous m'avez pris au piège, Nicolas, merci. Il n'y a pas de raison, bravo. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir, rédacteur en chef du Science et Avenir Junior, qui s'appelle Hashtag Science, dont le numéro 2 vient de sortir. Et bonjour Élodie Chabrol. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La patronne du festival, la patronne de la version française du festival Paint of Science, dont vous nous direz un mot tout à l'heure Élodie. Mais avant cela, elle est comme tombée du ciel pour nous apporter les toutes dernières nouvelles de la science. C'est de la recherche. Et ce n'est pas dans nos petits souliers, ce n'est pas non plus Tino Rossi, c'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Et on commence ce journal des sciences du vendredi avec la découverte d'une exoplanète géante qui gravite autour d'une toute petite étoile naine. Oui, la découverte d'une nouvelle exoplanète, hein, ça n'a rien d'exceptionnel en soi, c'est assez fréquent, mais cette étude, parue aujourd'hui dans Science, surprend les astronomes. Il est question de l'exoplanète GJ5312b, qui est aussi grosse que Jupiter, mais qui gravite autour d'une petite étoile naine, qui fait à peine un dixième de la masse du Soleil. Une telle différence de masse entre les deux astres, ça contredit la théorie classique sur la formation des planètes. Habituellement, le modèle classique, c'est celui du modèle d'accrétion du noyau, c'est-à-dire un cœur de roche qui se forme par accrétion dans le disque protoplanétaire. Mais là, le rapport de masse entre les deux objets ne permet pas de valider ce modèle. L'équipe américaine favorise un autre scénario, moins communément admis, celui du modèle d'instabilité gravitationnelle. Alessandro Morbidelli, astronome et directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Les auteurs concluent que le seul moyen de former une planète si grande par rapport à l'étoile, c'est un deuxième mode de formation des planètes, qui est les mécanismes d'instabilité gravitationnelle. En effet, si les disques sont suffisamment massifs et surtout suffisamment froids, ce qui peut être facilement le cas autour d'étoiles naines, mais les gaz peuvent s'agglomérer par l'effet de sa propre gravité. Ceci peut avoir lieu seulement à certaines distances de l'étoile. Et donc ça forme des boules de gaz autogravitantes sans les noyaux solides au centre. Et ensuite, ces boules de gaz peuvent migrer dû à des interactions gravitationnelles avec les disques pour atteindre une orbite relativement proche de l'étoile centrale comme celle de la planète observée. Donc selon les auteurs, c'est le mécanisme à privilégier pour ce type de planète. Bon, c'est un mécanisme que personne n'avait jamais exclu, simplement les études avait montré qu'il faut des conditions, plusieurs conditions réunies pour que ce mécanisme marche, mais notamment des disques très très froids pour lesquels la chaleur est évacuée très vite. Pour les étoiles faibles, effectivement, tout est plus froid et les disques aussi optiquement plus fins et donc le refroidissement peut être plus rapide et donc effectivement les conditions pour l'instabilité gravitationnelle pourraient être bien réunies. En bref, l'atterrisseur InSight sur la planète Mars a détecté d'inhabituelles pulsations magnétiques. Alors, il n'y a pas encore d'études publiées, mais la NASA a présenté ses premiers résultats lors du dernier colloque européen de planétologie et de la Société américaine d'astronomie. Alors, depuis novembre 2018, le magnétomètre de InSight a pour mission l'étude des profondeurs de la planète. Il révèle que sur sa zone d'atterrissage, Mars a un champ magnétique puissant et que des impulsions magnétiques se produisent la nuit. Pour le moment, on n'explique pas ces variations magnétiques, mais une des hypothèses avancées, ce serait qu'elles indiqueraient la présence d'une couche électroconductrice enfouie sous la surface. En d'autres mots, de l'eau en grande quantité, un grand réservoir similaire aux nappes phréatiques terrestres. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude qui est parue dans la revue Philosophical Transactions de la Royal Society montre que contrairement aux idées reçues, les poissons ressentent de la douleur. Les biologistes de l'université de Liverpool viennent de prouver que les récepteurs du système nerveux des poissons réagissent à la douleur de la même façon que les mammifères. Alors jusqu'à présent, on pensait que les réactions instinctives qui nous font fuir une expérience douloureuse, on pensait que ces réactions n'appartenaient qu'aux mammifères. Cette étude montre l'inverse. Les poissons rouges, par exemple, lorsqu'ils reçoivent un choc électrique près de leur réservoir à nourriture, ils cessent de s'y rendre pendant un certain temps. Les chercheurs ont également montré que les poissons sont sensibles aux antidouleurs après un choc. Un poisson zèbre retrouve une activité normale lorsqu'il est plongé dans de l'eau qui contient un antalgique. Alors cette étude appelle donc à reconsidérer la façon dont nous traitons ces animaux. Georges Chapoutier est docteur en neurobiologie et directeur de recherche émérite au CNRS. Pour lui, rien de surprenant dans ce travail. Le groupe des vertébrés est un groupe extrêmement homogène. Si vous voulez, sur le plan anatomique, entre les différents groupes de vertébrés, c'est-à-dire les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, il y a d'énormes anomalies. Ils se ressemblent beaucoup. C'est un groupe extrêmement homogène. Extrêmement homogène aussi sur le plan cérébral. Les cerveaux de tous ces animaux, poissons, etc., jusqu'à mammifères et oiseaux, se ressemblent énormément. Presque tous les animaux ont des mécanismes d'ossiception, y compris beaucoup d'invertébrés, mais ils sont assez homogènes chez les vertébrés. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la nociception est vécue, je voudrais te dire. Quel est le ressenti cérébral de la nociception? En d'autres termes, peut-on considérer qu'il y a une perception consciente de la douleur? Or, tous ces animaux-là, depuis les poissons jusqu'aux mammifères aux oiseaux, si j'ose dire, ont des structures cérébrales très proches. Tous ont ce qu'on appelle un système limbique, c'est-à-dire un système qui maîtrise les émotions, qui gère les émotions. Tous ont un cortex cérébral, c'est-à-dire un système qui gère la cognition, la connaissance. Donc, la thèse que je vous propose, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre tous ces animaux dans le vécu de la douleur. Sur le fond, il n'y a pas de différence fondamentale. Et cette semaine, tout au long de la semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets, notamment de deux Iborisov, la première comète interstellaire de notre système solaire, qu'il est en train de la traverser en tout cas. Nous avons vu que les moustiques OGM ont une descendance plus robuste, que l'antibiorésistance s'aggrave chez les animaux d'élevage et que l'extinction des Néandertals aurait pu être causée par des troubles ORL, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, en ultra bref. En ultra bref, l'Institut d'études géologiques des États-Unis a apporté une nouvelle datation de la formation du Sahara. Après l'analyse géochimique de poussière du désert, les chercheurs affirment qu'il se serait formé il y a au moins 4,6 millions d'années. Pour les géologues, cette datation fait débat depuis des années. Mercredi, dans Nature, des archéologues anglais ont apporté la preuve que les nourrissons consommaient du lait animal dès le néolithique. Ils ont analysé les résidus que contenaient de petits vases en céramique qui dataient de moins 1500 ans et que l'on avait retrouvés dans des tombes d'enfants. Leur analyse chimique a révélé des graisses animales, ce sont donc les plus vieux biberons préhistoriques. Et enfin, une bouteille de champagne qui se débouche produit des ondes de choc supersonique. Une équipe française a filmé la fuite rapide de gaz sous haute pression avec une caméra à haute vitesse. Les images mettent en évidence la création de disques de Mach 2. C'est deux fois la vitesse du son. On observe ces mêmes disques chez les avions de chasse. C'est pour ça que vous faites tellement d'expériences aérodynamiques chez vous, Natacha. Allez, on termine ce journal comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Et bien la semaine dernière, nous vous apprenions que les chats avaient conscience de certaines lois de la physique. Aujourd'hui, nous vous apprenons que les chats s'attachent aux êtres humains et que ce ne sont pas ces petites créatures mesquines, froides et désagréables. Mais c'est ce que montre une étude parue dans Current Biology. On en avait complètement sous-estimé les capacités socio-cognitives du chat. Des chercheurs américains ont donc observé la relation qu'entretenaient 38 chats avec leur maître lorsqu'ils sont enfermés dans une pièce puis lorsqu'ils sont séparés. Pour 65% d'entre eux, les signes de stress disparaissent dès que leur maître réapparaissent dans la pièce. Donc l'étude l'affirme, les chats affichent les mêmes styles d'attachement que les bébés et les chiens. C'était évident, c'était évident. Les chats ne sont pas des animaux froids et ingrats. Gaston, si tu m'écoutes, je reviens dans pas longtemps, ne t'inquiète pas, papa revient. Merci beaucoup, Natacha. On va faire un petit tour de table, alors peut-être sur les chats. Élodie, je vois que ça vous met en joie, ça y est, vous avez vraiment un lien avec votre animal. Ah bah complètement, complètement. Je suis contente qu'enfin on puisse prouver scientifiquement que les chats ne sont pas des animaux froids et insupportables, distants, qui attendent juste qu'on remplisse leur gamelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Plus généralement, d'autres, je ne vous ferai pas commenter, Cécile, suite à votre récente promotion sur le bruit des bouteilles de champagne qui passent à McDo. Non, écoutez tous les journaux de Natacha cette semaine, ça fait monter gravement mon niveau d'éco-anxiété. C'est un nouveau mot en ce moment, l'éco-anxiété, parce que toutes ces mauvaises nouvelles qui tombent, alors donc le GIEC, effectivement, l'antibiorésistance, donc voilà. Mais heureusement, semble-t-il, le thé améliore la situation. Et voilà, et puis au passage, je veux dire que justement dans le numéro de Pour la science dont je vais parler tout à l'heure, on publie un article sur les ballots. Et les ballots, ce sont des bactéries cannibales, des bactéries qui dévorent d'autres bactéries, qu'on connaît depuis très très très longtemps, hein, mais auxquels la recherche ne s'intéressait pas beaucoup. Mais ces dernières années, à nouveau, elle s'y intéresse beaucoup, parce que comme les phages, vous savez, ces virus qui s'attaquent à d'autres bactéries, elles pourraient être effectivement une voie de recherche pour contrebalancer cette résistance très inquiétante qui monte sur les antibiotiques. Olivier, un mot sur l'actualité scientifique de la semaine, quelque chose qui a retenu votre attention dans le journal du jour ou dans les autres actualités de cette semaine? Il y a un sujet qui m'a passionné cette semaine, je crois que Natacha en a parlé lundi, c'est cette histoire autour de Néandertal. Mm-hmm. Encore une nouvelle piste pour expliquer les raisons de sa disparition, parce que ça paraît extraordinaire, mais on ne sait toujours pas pourquoi Homo sapiens a damé le pion à Néandertal. Il y avait une très belle exposition l'année dernière au Musée de l'Homme qui revenait un petit peu sur cet inconnu célèbre qui est Néandertal. Et là, avec cette hypothèse du canal auditif, qui serait plus court chez Néandertal que chez Sapiens, et donc plus favorable à l'apparition d'infections, on a une hypothèse qui est complètement folle. Enfin, les OR, c'est du petit lait pour les ORL qui vont pouvoir expliquer qu'il ne faut pas utiliser les cotons-tiges, etc. Parce que les infections auditives, ça peut amener loin, quoi, de toute évidence. Si cette hypothèse est avérée, puisque je crois que Natacha, tu as interviewé une scientifique pendant ce journal qui montrait bien que scientifiquement, c'était un travail très très bien fait, mais que l'hypothèse, elle pouvait se discuter, parce que si Néandertal avait ce problème-là, comment est-ce qu'il a pu quand même vivre si longtemps? Si longtemps, parce qu'on peut rappeler que Néandertal, la durée de vie de l'espèce de Néandertal est plus importante que celle d'Homo sapiens aujourd'hui. Je crois que c'est de l'ordre de 300 000 ans. Entre 300 et 400 000 ans, oui. Donc c'est une nouvelle, c'est du cold case très très excitant, mais voilà, on n'a pas le cold case de la préhistoire, des histoires froides en français. Un mot aussi, Élodie, sur d'autres aspects de l'actualité scientifique de la semaine? Alors moi, pour Néandertal, je voulais juste ajouter que probablement, en fait, ça se trouve, c'est plein de petites choses. Et que plus on va et plus les technologies avancent, plus on découvre des choses qui nous font dire que oui, en fait, ça se trouve, c'était le canal auditif, effectivement. Moi, je me souviens qu'à la fac, on nous avait dit que c'était parce qu'ils ne rêvaient pas, donc ils avaient un cortex préfrontal beaucoup trop important et que du coup, cette forme de crâne les a empêchés de bien se développer, etc. Mais du coup, c'est intéressant de voir que vraiment, on ne sait pas ce qui se passe et ça évolue avec les années. Et c'est probablement un mix de plein de choses. Oui, et puis l'isolation géographique, on en reparlait de ce micro là avec Marilène Patoumatis, grande spécialiste, s'il en est, de Néandertal. Et effectivement, l'isolation, la consanguinité, et puis face surtout au succès évolutif fulgurant d'Homo sapiens, qui petit à petit a fini par se substituer à ces populations. D'autres éléments, Cécile? Pour revenir sur la sensation de douleur chez les animaux, oui. On voit qu'effectivement la science avance. Hein. Je rappelle que jusqu'aux années 70, si je ne me trompe, on pensait que les nouveau-nés humains non plus ne ressentaient pas la douleur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les opérait sans anesthésie. Donc on a fait quelques progrès depuis. Donc maintenant, effectivement, du coup, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? Pas du tout sur le plan scientifique, hein, mais sur le plan éthique, déontologique. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Au niveau de la recherche, justement, scientifique, je crois que les vertébrés et les céphalopodes sont relativement protégés, hein, si on fait des interventions peut-être douloureuses, on est obligé de les anesthésier. Mais ce n'est pas encore le cas des poissons. Non, mais je crois que c'est les céphalopodes et les primates, pas les vertébrés, pas tous les vertébrés, parce que je crois que sur les rats de laboratoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait des anesthésies qui soient pratiquées. Je ne sais pas. Si. Jean-Chapuvent-Lède, que vous avez interviewé, en tout cas, l'a écrit dans nos colonnes. Il y a des anesthésies sur les rats, et c'est suivant les pays, suivant les règles des pays, en fait. Bien sûr. Voilà, mais oui, il y a des anesthésies chez les rats. On va vous remettre, là aussi, il y avait une étude très récente, Natacha, dont vous aviez parlé sur le fait que les rats, les rats éprouvent des sentiments ou... L'aspect ludique. Sur l'aspect ludique, les rats jouent à cache-cache dans les labyrinthes. Ça paraît amusant comme ça, mais en fait, ça montre cette notion ludique de jeu et d'intelligence. Que le rat n'est pas sociale. Que fonctionnel. On va vous remettre, on avait fait là aussi une émission consacrée justement aux tests sur les animaux de laboratoire, qui sont évidemment indispensables pour la recherche biomédicale, mais qu'il faut faire dans des conditions évidemment les plus respectueuses, et on apprend effectivement aujourd'hui encore qu'il faut faire attention là aussi aux poissons. Un dernier mot peut-être aussi, Olivier, sur cette première comète interstellaire. Alors, c'est pas le premier objet interstellaire, puisqu'il y avait Oumuamua, mais ce qui était un astéroïde qui ne dégazait pas. Là, c'est intéressant parce que on va avoir le temps de le voir arriver. Il sera au plus proche de la Terre à 300 millions de kilomètres au mois de début décembre, je crois. Et il faut rappeler qu'une comète, c'est une boule de glace. Donc, si la glace est toujours là, ça veut dire qu'elle ne s'est pas trop rapprochée d'étoiles diverses et variées. Elle n'a pas fondu. Et donc, elle garde encore en son sein les marqueurs, les témoignages du moment où elle est apparue, et ça remonte aux naissances du système de l'univers lui-même il y a 4,5 milliards d'années. Alors l'univers c'est 14 milliards d'années, le système solaire c'est 4,5 milliards. Bien repris au bon par Nicolas Martin. Mais c'est un peu du ping-pong. Et ce qui m'a troublé, c'est que en plus de ce que on vient de dire, c'est qu'effectivement Oumuamua a été découverte il y a 2 ans, je crois. C'était le premier objet interstellaire. En un laps de temps extrêmement restreint, on arrive maintenant à la première comète interstellaire. Alors on se demande si on va assister à un phénomène un petit peu comme pour les exoplanètes, puisque on va en trouver de plus en plus. Était déjà un peu prévu avec Oumuamua. On se disait qu'on allait en voir de plus en plus facilement maintenant qu'on savait comment les repérer. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'alors 300 millions de kilomètres de la planète Terre, c'est effectivement une distance assez lointaine, mais néanmoins, on récupère, et vous allez nous en parler, des météorites qui viennent de bien plus loin. Donc peut-être qu'on peut imaginer qu'il va y avoir des petits bouts, des petites particules venant d'un autre système qui vont tomber dans notre atmosphère, alors qu'ils seront certainement désintégrés dans l'atmosphère. Mais enfin, c'est tout de même assez passionnant de dire que cet objet-là vient d'un autre système. Peut-être qu'on pourra même savoir retrouver la trajectoire et imaginer le système duquel il vient. En tout cas, merci beaucoup Natacha pour ce journal des sciences. Tous les journaux des sciences de toute la semaine, on les retrouve évidemment sur le site franceculture.fr. Toutes les études sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et nous, bien, on va partir dans notre tour de table de l'actualité scientifique de la semaine. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h17, il paraît que mon chat a appelé, qu'il veut pas que je rentre, donc je sais pas ce qui se passe, Gaston, voyons, ne fais pas de bêtises. Alors, reprenons un peu de sérieux. Premier dossier de ce tour de table, un sujet sensible dans les sciences et dans toutes les sciences, pas uniquement dans les sciences humaines et sociales, dans les sciences du vivant, y compris dans les sciences les plus dures, celui de la réplicabilité des études scientifiques publiées dans des revues à comité de lecture. En 2005, c'est John Ioannidis qui jetait un pavé dans la mare en publiant une étude dans la revue PLOS Médecine, une étude qui expliquait en somme que la plupart des études étaient fausses ou non duplicables, non réplicables, et particulièrement pour le coup dans le domaine de la biologie et des sciences du vivant. Et cette non réplicabilité, aujourd'hui, Cécile, vous allez revenir dessus parce qu'elle est particulièrement criante, en l'occurrence dans le domaine de la psychologie et des études de psychologie cognitive. Absolument. On parle de cette question dans le dernier numéro de Pour la Science. On a demandé à François Macquestio, qui est professeur de psychologie cognitive à l'Université de Franche-Comté, de faire un point sur cette question brûlante pour nous, notamment dans cette période où une certaine partie de la population, voilà, éprouve une certaine méfiance, on va dire, vis-à-vis de la science, de la démarche scientifique et de la légitimité de la parole scientifique des chercheurs. Et donc, et effectivement, c'est une vraie question, ce n'est pas une question juste de complotiste. Alors, je ne parle pas là, il ne parle pas du tout de triche, du problème de la triche ou de la fraude en sciences, mais tout simplement de la publication de ce qu'on appelle des faux positifs. Voilà, on fait une recherche, on trouve un résultat, on le publie et on peut s'apercevoir plus tard qu'en fait le résultat est faux, ce qui était inhérent à la démarche scientifique. Il peut effectivement arriver que des recherches, que les résultats ne soient pas bons. Mais effectivement, si un résultat sur deux est faux, ça commence à poser problème. Voilà. Et il se trouve qu'en 2015, justement, une autre étude publiée dans Science qui avait mené 270 chercheurs qui avaient essayé de reproduire 100 expériences de psychologie. Voilà. Et les résultats, effectivement, faisaient mal. On peut le dire, voilà, puisque seulement 36% hein, des résultats ont confirmé les études originales. Voilà, donc ça fait quand même 64% qui ne se sont pas arrivés. Voilà. Et... les chiffres de Ioannidis étaient aussi assez conséquents. Ouais. Hein. Alors c'était, il tapait très fort à bras raccourcis sur la biologie moléculaire, mais je crois qu'il arrivait à des taux de non-reproductibilité au-delà de 80% dans certains domaines. Oui, j'avoue que je n'ai plus ces chiffres-là en tête, mais oui, effectivement, il y a cette question-là. Alors en psychologie, on s'y attend un petit peu plus, mais bon, c'était quand même des chiffres très inquiétants, mais soutient François ma question, et je pense qu'elle a raison, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça a beaucoup boosté, comme on dit en français aujourd'hui, les études justement de reproductibilité. Donc voilà, une des raisons aussi pour lesquelles ça se passe comme ça, c'est que les revues de publication primaire, les revues dans lesquelles publient les résultats de recherche directement les chercheurs, ont pendant très très longtemps préféré de loin les recherches originales et pas juste les recherches qui essayaient de reproduire les résultats du copain. Donc voilà, et comme vous le savez, les chercheurs sont soumis au publish or perish, publier ou mourir, et que donc ils ont besoin de ça. Mais ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Et d'ailleurs, un chercheur américain a fait le compte là et dit que là entre 2013 et 2017, la proportion d'études justement de réplicabilité a été multiplié par deux dans certains domaines de la psychologie. Donc ça, c'est vraiment très bon. Il y a même des revues qui ont des rubriques dédiées maintenant sur ce sujet. C'est vrai qu'en psychologie, alors c'est vrai qu'en psychologie cognitive particulièrement, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, les méthodes ont changé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a appliqué de plus en plus de méthodes et de verrous en quelque sorte scientifiques aux études aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que c'est un domaine particulièrement où la reproductibilité est compliquée? C'est parce qu'il est très très sensible à la moindre petite variation initiale en fonction du public, de l'échantillon. Oui, évidemment, c'est pas toujours facile de refaire. Il y a plein de biais qui peuvent arriver auxquels on ne pense pas quand on fait l'étude la première fois. Donc ça joue. Et voilà. Après, la question, c'est toujours la même chose. Effectivement, un premier résultat a une certaine indice de confiance. Il faut le répliquer. L'indice de confiance monte. Et voilà. Et puis il y a aussi le fait que certaines de ces études ont eu un énorme succès médiatique. Voilà. On peut penser évidemment, notamment, on avait là aussi une histoire passionnante, l'expérience de Stanford. Qui s'est avéré finalement être mise en scène et fausse, et on avait fait une là pour le coup c'était pas de la non-reproductibilité, c'était carrément de la fraude scientifique. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. Non mais par exemple il cite une expérience qui est assez amusante, qui était le succès d'une expérience qui était vraiment amusant, c'est le power posing, n'est-ce pas, c'est-à-dire les auditeurs peuvent pas me voir, mais si vous mettez les bras en l'air en faisant le V de la victoire, eh bien une étude américaine avait en tout cas émis l'hypothèse que ça augmentait le taux de testostérone, donc votre agressivité, et ça faisait baisser votre taux de cortisol, donc vos taux de stress, et ça vous mettait, ça boostait votre confiance en vous, et donc vous aviez plus de chances de réussir qu'est-ce que soit le défi que vous lanciez, voilà. Mais ça a eu un énorme succès. Il y a eu une conférence TEDx là-dessus qui a été vue 50 millions de fois. C'est une étude récente, hein, 2010. Oui, voilà. Donc c'est 2010, pour le coup, exactement, voilà. En termes de méthode expérimentale, on devrait être dans un cadre un peu plus serré. Mais... Oui, mais effectivement, elle était faite sur un petit nombre de personnes quand même. C'était 42, si je ne m'abuse. Voilà. Et il y a une équipe suisse qui l'a essayé de la refaire avec 200 participants. Et là, ils n'ont juste rien trouvé. Du tout. Donc, c'est faux, mais en même temps, le taux de couille, ça marche peut-être. Vous pouvez toujours le faire, ça ne vous fait pas de mal non plus. Hein. Donc, ça ne sert à rien quand vous allez à un examen d'y aller les bras en l'air. Ça ne marche pas. Non. Ce qui est intéressant dans le papier de Pour la science, Cécile, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces études dont on a parlé et qui sont dans la conscience collective. Il y a une étude dont on a beaucoup parlé à ce micro, qui était une étude assez amusante et dont on a pu voir en plus des petites vidéos où on voit les enfants avec les chamallows, par exemple. Ah. Parlez-nous cette étude des enfants avec les chamallows. C'est merveilleux. Les thèses de Marshall, c'est une étude qui avait été menée, en fait, dans les années 70 par Walter Michel. Voilà, et qui avait montré, enfin, l'étude, c'est, il avait fait ça sur des enfants de 4-5 ans. Voilà, il leur donnait un marshmallow et leur disait, voilà, je m'en vais. Si tu ne manges pas le marshmallow pendant que je ne suis pas là, quand je reviens, tu en auras. Deux. Et c'était, voilà. Ils essayaient avec des plus ou moins longues durées. Hein. Ça commençait par 2 minutes, puis 5, puis 10. Voilà. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il avait ensuite suivi ses enfants pendant des décennies. Voilà. Et que son étude montrait que les enfants qui résistaient le mieux, qui étaient le moins impulsifs et qui étaient donc capables de se restreindre pour avoir, voilà, réussissaient mieux dans la vie, sur tous les plans, hein, le professionnel, privé, et aussi étaient moins sensibles aux addictions. Et là, effectivement, des investigateurs américains ont refait la même étude sur 918 enfants, voilà, qu'ils ont suivi aussi pendant plus de 10 ans. La première étude comptait, je crois, un peu moins d'une centaine d'enfants. Oui. Ce qui est curieux dans cette étude, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas, 70, voilà, c'est les années 70, il y a une centaine d'enfants, il y a du suivi sur plusieurs années, donc c'est pour ça qu'en termes de fiabilité, il y avait quand même un certain nombre d'indicateurs qui étaient assez solides. Oui, alors, ce qu'a montré la nouvelle étude, c'est pas que c'est entièrement faux. C'est juste que la réussite à ce test du marshmallow de ses enfants est moins prédictive que ne l'avait dit Walter Michel. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire du tout, parce que d'autres études l'ont montré, que la maîtrise de soi n'est pas importante dans la vie pour réussir sa vie professionnelle. En fait, ce qui semblerait, c'est qu'ils ont un petit peu découpé aussi qu'est-ce qu'il y a derrière la maîtrise de soi. Il y a effectivement le contrôle de ses impulsions, il y a l'attention qu'on porte, mais aussi la mémoire de travail. Si vous avez oublié la consigne au bout de 30 secondes, vous allez manger le marshmallow. Toute la planification. Et en fait, voilà. Et que si on découpe ça, effectivement, le contrôle des impulsions et l'attention jouent, mais le reste, s'éduque. Voilà. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Ça, c'est un peu rassurant aussi. De toute façon, il n'y a pas de déterminisme. Mais voilà. Mais qu'effectivement, ça donne des indications pour pouvoir agir. Et d'ailleurs, la plupart de ces études, soit elles confirment l'étude originale, et c'est très bien, ça donne plus de fiabilité à la première étude. Mais même quand on infirme l'étude originale, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas quelque chose. D'ailleurs, par exemple, François Macquestion, justement, il a refait une étude là sur un test qui était sur une illusion visuelle d'Ebbinghaus, j'espère que je prononce bien, qui est une illusion visuelle qu'on connaît bien, c'est si vous avez un cercle, vous le voyez plus grand si vous avez des petits cercles autour, et vous le voyez plus petit si vous avez des gros cercles autour, c'est assez simple. Et une étude américaine aussi avait du coup appliqué cette illusion sur un mini-golf, voilà, et avait censé montrer que les joueurs augmentaient leur performance si on mettait des petits trous autour du trou dans lequel ils devaient mettre la balle. C'est logique, parce que du coup, ils voient le trou un peu plus gros. Donc, on imagine que c'est plus simple de viser. Et en fait, donc, ils ont refait l'expérience et ils n'ont pas trouvé ça ne semble pas marcher. Vous n'augmentez pas vos performances si vous mettez des petits cercles autour du trou pour jouer au golf. Mais en même temps, ça va aussi peut-être résoudre une autre question qu'on se posait. C'était est-ce que les voies cérébrales de la vision et les voies cérébrales qui vous permettent de planifier une action sont-elles liées ou pas? Et en fait, pas tant que ça, parce que vous voyez bien le trou plus gros, mais c'est pas pour ça que vous améliorez vos performances. Alors, il y a aussi des études dont la réplication fonctionne, parce qu'il y a ces exemples-là. Il y en a une assez intéressante sur la notion d'ombre verbale, que je trouve assez intéressante, qui là, pour le coup, a été totalement confirmée à 25 ans d'écart. Et là, c'est important, ils avaient fait des études qui montraient que lorsque vous assistez, par exemple, à un cambriolage ou un vol, si on vous demande de décrire le cambrioleur avant de vous faire vous montrer des photos ou d'autres vidéos pour que vous puissiez le reconnaître, ça obère vos capacités, justement. Au fait, il faut d'abord regarder les images avant d'essayer de les décrire, parce que sinon vous créez une sorte de d'ombre verbale. Voilà, le fait d'avoir mis des mots sur ce que vous avez vu, si vous vous trompez par exemple de mots, ça vous modifie l'image mentale. Oui, ça a été confirmé par en 2014, c'est 90 chercheurs issus de 33 laboratoires différents. Mais la question, alors il y a plusieurs questions. Est-ce que déjà on tire de cette difficulté de réplicabilité dans le domaine de la psychologie cognitive des règles, des intentions pour faire en sorte que les études soient plus réplicables, pour éviter les biais qui font que parfois on arrive à des conclusions. Il y a aussi des études où on se dit franchement le postulat de départ, celui sur les c'est quoi, c'est sur les joueurs de baseball qui sourient, qui vivent plus longtemps. Oui. C'est vrai quand non, enfin, tout de même. Mais non. Non, bah, c'est, excusez-moi, mais quand même. Non, mais il y a des postulats de recherche. Moi, je veux bien, mais. On a montré aussi que, enfin, on a montré, il se trouve que ça a été affirmé que, voilà, si vous souriez souvent sur les photos, vous vivez plus longtemps. Il n'y a pas que les joueurs de baseball. Mais surtout, ça a été complètement affirmé. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez tirer la gueule. C'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. Votre espérance de vie n'est pas moindre. Non, parce que parfois, on découvre des choses auxquelles. C'est un Parisien qui dit ça, évidemment, avec un peu d'autodérision, voyons. Non, moi, je pense pas du tout que les chercheurs doivent se frotter. On peut toujours découvrir on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises et on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais effectivement, il est très important effectivement de multiplier les études justement de reproductibilité. Ça, c'est vraiment important. Voilà, de les publier. Voilà. Et puis, effectivement, certains proposent de donner des indices de confiance. Voilà. Mmh. Vous donnez un indice 1 au premier résultat, un indice 2 quand il a été répliqué plusieurs fois, un indice 3 quand la puissance statistique est telle que vous ne pouvez pas revenir en avant, parce que quand même, il ne faut pas en profiter pour alimenter le complotisme ambiant. Bien et sûr. Se dire que la science, c'est n'importe quoi, ça se trompe tout le temps. Ce n'est pas parce que la connaissance, le savoir est toujours construit, est en perpétuelle construction, qu'on peut le mettre dans le même sac que les croyances. Évidemment, on n'en est pas là. Et la science, effectivement, évolue, bouge, avance et montre de nouveaux résultats. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut tout jeter comme ça. 2 et 2 font 4, ça ne fera pas 5 demain. Et je ne crois pas qu'on va découvrir que finalement la Terre est plate. Et c'est surtout qu'en faisant et en tentant ces expériences de réplicabilité, on apprend des choses effectivement la démarche scientifique, sur la méthode scientifique et parfois même sur l'objet des études et le sujet sur lequel ces études ont été faites. Une réaction, Olivier, Elodie, sur cette crise de la reproductibilité en psychologie cognitive? Alors, il faut... Un petit chamallow pour commencer. Ah oui, chamallow, marshmallow. Alors. Elle touche aussi les sciences dures, cette question de la reproductibilité. Hein. Il ne faudrait pas penser que seuls les sujets liés aux sciences humaines, la psychologie cognitive, etc. seraient touchés. Donc c'est un sujet qui est global. Effectivement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on se pose des questions légitimes qu'il faut ensuite se dire que la science. Non, mais on peut faire notre mea culpa propre. Hein. J'avoue que je me suis dit que j'allais faire une petite excursion dans les archives pour la science pour savoir combien de fois on a publié des résultats pour dire que des résultats avaient été confirmés ou infirmés. Oui, et puis c'est ce que dit aussi en filigrane l'article, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de démentis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de publications d'une part d'études négatives, alors qu'il y a des revues qui existent, hein, des revues d'études négatives, et puis il n'y a pas suffisamment aussi de démentis quand, par ailleurs, ces études ne sont pas répliquées dans les organes comme ici, ou comme pour la science, ou dans tous les organes de vulgarisation, pour dire ça ne marche pas. On essaye de le faire un peu, hein, parfois. On essaye tout de même un peu. Elodie. Moi, je voulais juste dire qu'en bio, typiquement, il y a des choses qu'on ne réalisait pas au départ quand on faisait les expériences, mais par exemple, en biologie moléculaire, si on est dans une pièce où il fait frais, il fait plutôt 20 degrés, ça va complètement changer par rapport à si on est dans une pièce où il fait 26 degrés. Donc, il y a des gens qui font des expériences l'été et l'hiver, et déjà, ça change. Ou les endroits, suivant les villes, suivant les pays, là où ils vont le faire, ça va changer. C'est pareil avec les animaux. On s'est rendu compte que, par exemple, déjà, rien que par rapport à l'heure, si on fait du comportement animalier, l'heure de la journée va changer. Mais on s'est aussi rendu compte que le gel douche, que la lessive qu'on utilisait, que le parfum qu'on portait, ça pouvait avoir une implication sur le comportement animalier qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est vraiment des mini-choses toute petite, c'est même pas du problème d'un scientifique qui va faire quelque chose mal ou qui va mal suivre un protocole. Parfois, c'est des choses. C'est des toutes petites conditions initiales. Exactement, on va suivre le protocole. Mmh. Voilà, on va suivre un protocole, c'est juste qu'on va le suivre d'une façon qu'une autre personne. Une autre personne aura fait différemment, on va le suivre d'une façon différente, et là, ça va donner des résultats différents, quoi. Mais la science est un long chemin qui n'est pas un grand fleuve tranquille, mais justement, il reste plein de choses à faire, et c'est ça qui est. Et on finira par faire une science improbable un jour sur de l'influence de la lessive sur le résultat des expériences animales en laboratoire. Absolument. Oui, j'ai lu un papier, on n'a pas eu le temps d'en parler dans le journal des sciences, mais que je trouve absolument merveilleux, c'est comment, finalement, il y a eu un nombre de papiers en génétique faussés, pour une raison incroyable qui est que les tableaux Excel convertissaient le nom des gènes en date. Et on monte à des taux, d'erreur qui montent jusqu'à 30%. Non mais c'est magique. Oui, c'est magique parce que c'est assez facile à résoudre. Echo and the Bunnymen sur France Culture à 16h35. Météorite, ce sera le sujet dont nous parlera dans quelques instants Olivier Lascar, et vous apprendrez, vous saurez si oui ou non il a attendu avant de manger son chamallow. Pour le moment, le suspense reste entier. Mais parce que nous allons parler pour le deuxième sujet du jour de trois études toutes récentes qui viennent d'être publiées dans la revue Nature et qui détaillent le fonctionnement de cellules tumorales de différents types et notamment leur action sur le cerveau, sur les neurones et plus précisément sur les synapses. Les cellules cancéreuses et les neurones formeraient des synapses excitatrices qui stimulent la croissance tumorale, le dit Chabrol. Oui, tout à fait. Alors, voilà, la question de départ, c'est on se demande un petit peu pourquoi les tumeurs cérébrales sont particulièrement rapides à se développer. Voilà, on savait pas exactement. Il y a trois études donc, qui ont été publiées le 18 septembre, donc il y a 10 jours, qui ont montré que ces cellules cancéreuses formaient des synapses avec les neurones. Et donc, interagissait avec la connexion synaptique, en gros, du cerveau. Alors, il faut nous réexpliquer. On y retourne, refait un petit cours de bio et on est reparti sur les synapses. On se refait un petit cours. Donc, qu'est-ce qu'une synapse ? Les neurones à l'intérieur vont transmettre l'influx nerveux sous forme d'électricité. Et pour discuter entre eux, en gros, ils vont former des synapses. Donc, entre chaque neurone, on va retrouver un petit espace. Et il y a deux types de synapses. Donc, cet espace, physiquement, en gros, c'est un trou. Hein. On a deux types. On a les synapses chimiques qui forment la majorité des synapses, où là il y a un neurotransmetteur qui va partir du neurone présynaptique, donc avant la synapse, au neurone postsynaptique. C'est du glutamate en général. Donc, souvent. Pour les synapses excitatrices, effectivement, c'est du glutamate généralement. Il y en a d'autres, mais voilà. Une synapse excitatrice, ça va être un endroit où le neurone postsynaptique, donc le neurone qui va recevoir l'information, va être excité. Synapse excitatrice, il y a des synapses inhibitrices. Et là, c'est pas du glutamate. Donc là, ce qui nous intéresse, effectivement, ce sont les synapses chimiques. On a aussi les synapses électriques, où là, le courant va être transmis électriquement par l'intermédiaire d'une jonction membranaire entre les neurones. Mais là, on s'y intéresse pas pour le coup. Là, on s'intéresse donc aux synapses chimiques excitatrices. Exactement. Synapses chimiques excitatrices. Et donc, on a trois études. Vont nous parler de ces synapses, au glutamate avec des récepteurs AMPA ou NMDA. Donc ça, ce sont deux types de récepteurs différents au glutamate qui vont se retrouver sur le neurone postsynaptique. Généralement, quand le glutamate va venir se fixer sur le récepteur, il va y avoir un déplacement d'ions qui vont créer une dépolarisation. Cette dépolarisation, en gros, c'est l'activation du neurone. C'est ça, c'est le passage du courant de l'information, disons. Exactement, ouais. C'est le passage, c'est la retransmission, en gros, chimique. La dépolarisation, c'est en gros la réaction électrique du neurone, voilà, à une réception d'une molécule chimique. Et donc voilà, certaines cellules gliales peuvent entourer la synapse et réguler la transmission. Alors qu'est-ce que les cellules gliales ? Ce sont les autres grandes cellules du nerveau. Comme vous écoutez régulièrement la méthode scientifique, exactement, vous avez entendu Yves Agide nous parler brillamment des cellules gliales. Allez. On vous met le lien immédiatement sur le fil Twitter @laméthodefc. Exactement. Donc les cellules gliales, en fait, sont les autres cellules du cerveau qui sont très très nombreuses, qui sont plus nombreuses que les neurones, et qui peuvent s'occuper des synapses. Généralement, typiquement, s'il y a trop de glutamate à une synapse, les cellules gliales vont récupérer tout ça, vont nettoyer, et elles peuvent affecter donc l'excitabilité du neurone en régulant tout ce qui se passe à la synapse. Les trois études, donc on a trois études distinctes, deux sur les gliomes, Les gliomes qui sont des cancers de la glie, donc. Des cellules gliales, de ces fameuses cellules gliales. Tout à fait, on dit cellules gliales ou glies, voilà. Donc les deux noms de ces études, c'est Venkatesh et al. Et Venkatarahmani et al. Je pense que j'ai écorché les noms. Non, c'est ça, je crois que c'est pas là. Bon, c'est un peu, Venkatarahmani et Venkatesh. Voilà, c'est le moment où j'écorche les noms. C'est le premier signataire. Voilà, et la troisième étude, qui est une étude sur le cancer du sein et sa capacité à migrer sur le cerveau, qui est Zeng et al. Donc, ces trois études ont été publiées dans Nature. Venkatarahmani, c'est une étude allemande qui a été conduite par Frank Winkler et Thomas Kunz au CHU d'Heidelberg et Centre allemand de recherche sur le cancer. Venkatesh, c'est une étude américaine conduite par Michel Monge, Université de Stanford. Et Zeng, c'est une étude suisse conduite par Douglas Hanahan à l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer. Donc là, c'est vraiment beau parce que c'est la première fois qu'on voit que des tumeurs cérébrales s'intègrent vraiment à la circuiterie neuronale. Et ça a été montré, ça a été publié dans trois études différentes. Donc là, on a une reproductibilité des résultats qui est assez chouette par trois études qui viennent de pays différents. Et dont deux sont sur les gliomes. Voilà. Et une, et c'est intéressant, sur le cancer du sein, dont on sait qu'il migre vers le cerveau et que c'est un cancer qui peut avoir de la toxicité cérébrale quand il est peu mal soigné ou quand il est résistant au traitement. Exactement. Donc les gliomes, c'est c'est la cause principale de décès de cancer du cerveau aux États-Unis. Il y en a plusieurs types, mais celui-là a été vraiment identifié comme majeur. Et surtout, on sait que les neurones sont actifs avec leur voisinage. Donc généralement, d'une façon générale, les cellules gliales vont établir naturellement des jonctions avec les neurones, permettant les transferts de molécules et par des protrusions membranaires, donc qui permettent donc de communiquer. Et là, la première étude, donc l'allemande Venkatarahmani, a examiné par microscope électronique les microtubes tumoraux qui étaient formés par les gliomes humains, donc des cellules gliales tumorales, transplantées dans des cerveaux murins. Donc on prend ça chez les souris parce que bon, forcément, on peut pas faire ça chez l'humain, bien sûr. Et ils ont pu voir que ces microtubes, en fait, avaient des structures caractéristiques de la synapse excitatrice. Donc, microscopie électronique, ça permet vraiment de voir des structures très très fines. Donc, cette étude a permis de montrer ça. L'autre étude, Venkatesh, a permis de montrer également que dans de nombreux gliomes, il y avait des gènes codés pour le récepteur au glutamate, donc qui montraient en gros des caractéristiques de synapse, on peut dire. Et ces deux équipes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont transplanté des cellules de gliome dans les cerveaux murins pour les deux. Et elles ont vu que les stimulations de neurones produisaient une dépolarisation des cellules du gliome, donc une activation des cellules du gliome. Et c'est vraiment un phénomène caractéristique des synapses excitatrices par donc ces récepteurs en PAM. C'est-à-dire que c'est pour bien comprendre, en fait, il y a ces phénomènes de dépolarisation qui se créent. Du coup, les cellules tumorales reçoivent ces fameux ions potassium et ça augmente l'activité cytoplasmique et donc du coup ça renforce l'activité de la cellule. Exactement, exactement. Donc ces cellules tumorales vont recevoir les informations neuronales, on va dire une excitation neuronale et ça va leur permettre de proliférer et d'être plus agressives. Et là, ils ont fait un truc intéressant, ils ont bloqué le récepteur AMPA, donc le récepteur au glutamate, pour voir si ça bloquait cette dépolarisation des neurones, des cellules gliales, pardon. Et là, ils ont vu qu'effectivement, ça bloquait et que ça induisait une augmentation de la durée de survie et diminution de la capacité proliférative. Donc c'est là où on voit que vraiment c'est impliqué dans tout ce qui est prolifération et survie par rapport à ces types de tumeurs. Ça, c'était pour les conclusions des études américaines et allemandes. Que dit l'étude suisse? Donc là, l'étude suisse, elle s'est intéressée aux récepteurs à glutamate dans les cancers du sein. Et ils ont vu que dans certains cancers du sein, il y avait une expression du récepteur au glutamate. L'autre récepteur, mais ça c'est pas très important, au glutamate qui était assez élevé. Et ils se sont dit du coup que c'était probablement à cause de ce récepteur que ces cellules migraient dans le cerveau et donc après interagissaient avec le cerveau et formaient des connexions synaptiques, etc. Ce qui explique cette migration et la toxicité cérébrale finalement de ce type de cancer du sein. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est pourquoi les cancers du sein principalement qui montrent cette expression du récepteur au glutamate migreraient plus et feraient des métastases au cerveau que d'autres cancers qui au final ne montrent pas cette expression. Et comment finalement ces cellules tumorales profitent de la mécanique cérébrale et de ces mécanismes synaptiques pour proliférer, pour exister. Exactement. Bah, en gros, elles reçoivent l'excitation, l'excitation des neurones et finalement prolifèrent, existent. Ouais, c'est des liaisons dangereuses, comme c'est on disait. Et donc il y a le papier qui a bloqué les récepteurs a notamment montré que il y avait un intérêt thérapeutique, parce que tout ça c'est bien joli, on sait ce qui se passe maintenant, mais du coup ça va permettre aussi de se dire est-ce qu'on peut éventuellement bloquer ces récepteurs, est-ce que il y a moyen de bloquer la migration du cancer du sein au cerveau, est-ce qu'il y a moyen de ralentir la prolifération de ces tumeurs cérébrales une fois qu'elles sont déjà là, et voilà, donc ça c'est un espoir assez important. Des réactions, Cécile? J'avoue que non, à part que c'est que ça fait du bien de voir que la science avance quand même et qu'il y a certains résultats qui semblent assez forts. Sur trois publications qui examinent les mêmes types de mécanismes. Olivier, un mot? On a un papier dans le Science et Avenir qui est sorti hier, qui est un portrait de cette chercheuse française qui est à l'origine de cette découverte de la présence de neurones dans les tumeurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va complètement... Enfin, on ne s'y attendait pas et c'est extraordinairement surprenant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h45, dernier dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Le 21 octobre prochain aura lieu à Drouot une grande vente aux enchères dans laquelle on pourra trouver, pour le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, des photographies des missions Apollo, des objets scientifiques en tout genre, mais aussi des météorites lunaires, des météorites martiennes, des chondrites, bref, plein de petits cailloux tombés de l'espace. Et ces ventes de météorites pour collectionneurs sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus fructueuses aussi, parce que ces météorites se vendent relativement cher. Et surtout de moins en moins bien vu de la communauté scientifique, Olivier. Et oui, parce que face à des acheteurs richissimes qui peuvent venir de la Silicon Valley, apparemment, Nicolas, c'est une nouvelle tendance chez les pontes des GAFA qui en ont assez de l'art moderne et qui préfèrent s'acheter une belle météorite pour la mettre sur leur cheminée, on imagine. Mmh. Et ils peuvent effectivement renchérir et donner à ces pierres tombées du ciel des valeurs extraordinaires. Dans la vente du 21 octobre, on annonce des prix qui sont extrêmement importants. De quel ordre ? Alors, il va y avoir le clou du spectacle dans cette vente, qui est une météorite qui a été découverte en France en 1994, qui est la météorite dite de Mont-Dieu, parce qu'elle a été trouvée dans les Ardennes, près d'un village qui porte ce nom. Elle fait 364 kilos, donc il faut prévoir... Son petit sac à dos solide. Son transporteur. Un sac à dos renforcé. Et elle devrait partir à... le prix, en tout cas, est estimé à entre 150 000 et 200 000 euros. C'est un objet extrêmement rare. C'est la deuxième plus grosse météorite qui ait jamais été trouvée en France. La première est toujours et encore au muséum d'histoire naturelle. Mais alors, en lisant le papier, je me posais quand même une question. Une météorite de 364 kilos qui tombe sur Terre, on est d'accord que c'est tombé il y a très très longtemps et que ça a fait des dégâts épouvantables. Enfin, c'est énorme, 360 kilos pour une météorite. Oui, d'autant plus que avant de faire, elle devait être beaucoup plus grosse, puisque l'objet. Ce qui est intéressant quand on commence à regarder une vente comme celle-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un monde dont on n'appréhende pas forcément la réalité, puisque tout un chacun, une météorite, on voit une lumière dans le ciel, on dit tiens, j'ai vu une météorite. Il y a les astéroïdes, il y a les météoroïdes, il y a les météores, et on parle ici de ce qui arrive sur le plancher des vaches. Une météorite, c'est tout simplement un caillou venu du ciel qu'on a retrouvé au sol. Mais avant d'arriver par Terre, il y a cette fameuse traversée de l'atmosphère terrestre qui est, pour reprendre le jargon de la NASA qui parle des 7 minutes en enfer quand il s'agit d'arriver, de traverser l'atmosphère de Mars, c'est le moment où les objets sont portés à des températures terribles, de l'ordre de 1500 degrés. Alors ils peuvent être complètement désintégrés et ne produire qu'une lueur très jolie qu'on appelle une étoile filante, c'est finalement le météore. Mais quelquefois... Ça peut faire un peu plus de dégâts que ça. Hein. Si on se souvient de celle qui est tombée là en Russie en 2013 dans l'Oural, ça a mis 1500 blessés, ça a explosé en plein ciel. C'était le lendemain de la Saint-Valentin, ça a été une surprise extraordinaire parce qu'il y a un maillage de la Terre qui est fait hein, par des observatoires pour voir l'arrivée des météorites. Et celle-là, elle était passée complètement dans les mailles, entre les mailles du filet, alors qu'elle était très très grosse. J'étais en train de vérifier tout de même. Celle-là, elle fait 364 kilos, donc on imagine effectivement que l'objet initial était plus grand. Juste pour vous donner un référent, la météorite de Chicxulub au Mexique, qui a donc valu en partie vraisemblablement l'extinction des dinosaures, elle fait entre... Le diamètre fait, non, il va être un peu plus gros que ça. Il fait entre 11 et 80 kilomètres de diamètre. Donc, ça fait, c'est quand même une grosse bête, pardon. J'avais lu entre 11 et 80 kilos. Donc, je me disais que tout de même, non, donc c'est une grosse bête. Autant pour moi. Celle dont j'ai dit qu'elle serait le intervention complètement ratée. Je vais reprendre un chamallow. Dites-moi, allez hop. Mais ça m'a tourné, Nicolas. Alors, vous avez tout mangé. Oui. Alors, cette fameuse météorite, ça sera la clou du spectacle, mais ça sera pas la seule. Donc, comme vous le disiez, il y a aussi de la météorite martienne et de la météorite lunaire. En fait, ça c'est quoi? C'est des fragments de la Lune ou de Mars qui sont projetés dans l'espace parce que la Lune ou Mars ont été frappés par un astéroïde. Et donc le petit débris va voyager dans l'espace jusqu'à croiser la route de la Terre et arriver chez nous. Donc tout ça va être vendu pendant cette vente à l'hôtel Drouot à Paris. Et c'est caractéristique d'un engouement tout à fait nouveau qu'on ne connaissait pas, puisqu'il y a encore 30 ans, les seules météorites trouvaient leur chemin jusqu'au musée ou jusqu'aux institutions académiques, c'était des météorites qui étaient trouvées par les scientifiques, souvent dans un coin qui est cher à votre cœur en Antarctique, puisque c'était l'endroit où seuls les scientifiques pouvaient aller. Et surtout, c'est le genre d'endroit où il est propice de trouver les météorites, qui sont des petits... voit que c'est plus ou moins petit, mais enfin, c'est des objets... Dans l'Antarctique, il y a toute une partie de l'Antarctique, il y a quand même très peu de relief. Évidemment, quand on voit tomber une météorite, ça se voit dans le blanc, disons. Voilà, les météorites, ça peut tomber partout sur Terre, mais on en trouve très peu en France, par exemple, parce que la végétation fait que c'est difficile de les dénicher, l'humidité fait que ça s'oxyde rapidement, et donc on a du mal à les trier de la caillasse lambda. On peut citer à cet égard que le Muséum National d'Histoire Naturelle, encore lui, a lancé un programme très intéressant que connaît bien Élodie, qui s'appelle Vigiciel, qui est un programme qui est tenu par les astronomes, et qui vise à éduquer tout un chacun. Les personnes qui s'intéressent à ce genre de questions peuvent aller sur le site et être en contact avec des chercheurs qui vont leur donner les trucs pour bien observer les météores, pour bien détecter les météorites quand elles sont tombées au sol, parce que une météorite, ça ressemble pas. Enfin, il y a des signes extérieurs de météorites. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Alors, du coup, aujourd'hui, quel est le lien? Parce qu'il y a cette course un peu aux météorites. C'était l'Antarctique. Maintenant, c'est le Sahara qui est vraiment un lieu de prédilection pour trouver ces météorites. Comment réagit la communauté scientifique? Parce que une météorite comme ça trouvée par un chasseur de météorites, c'est une météorite soustraite à la science ou pas? Alors, ça l'est partiellement parce que, comme on le disait tout à l'heure, elle va filer loin des laboratoires de recherche. Néanmoins, pour qu'une météorite puisse être mise sur le marché, il faut qu'elle soit estampillée météorite, il faut qu'elle soit validée en tant que telle. Et pour ce faire, il faut qu'elle soit soumise à des analyses. Et là, il y a un guide qui a été édicté par la société météoritique. C'est un mot terrible à dire. J'aurais jamais dû essayer. Météoritique, qui est un organisme international et qui dit que pour chaque pierre tombée du ciel dont on pense que c'est une météorite, il faut en extraire 20 grammes ou 20% si elle fait moins de 100 grammes et que ce soit soumis à des analyses pour qu'on puisse dire si effectivement c'en est une ou pas. Et donc ces analyses, c'est de la donnée. C'est de la donnée qui trouve finalement leur chemin dans la recherche ou dans la connaissance de ces cailloux qui, comme on le disait tout à l'heure, je l'ai fort mal dit tout à l'heure puisque je me suis trompé sur les âges, mais les météorites sont des indicateurs de l'histoire du système solaire. Du système solaire. Et pas de l'univers. Non. Enfin, quoique. On dépend. Peut-être que Borisov vient de très très loin, il y a très très longtemps. Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, il y a même une bourse à météorites en Alsace. Oui, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui connaît un succès extraordinaire. Il y avait des pièces qui étaient mises en vente à 1 million d'euros. Ne me demandez pas si elles sont parties, parce que je ne le sais pas. Mais 20 000 pièces, c'est un succès qui semble ne pas se démentir depuis des années. Et du coup, comment réagit la communauté scientifique? Qu'est-ce qu'il faut en penser finalement? Quel type de météorites on trouve? Parce que des météorites, les météorites, c'est le nom de ces cailloux qui tombent du ciel, mais il y en a une diversité gigantesque. Il y en a, je suppose, comme les images Panini, il y a celles qui brillent, qui valent plus cher que celles qui ne brillent pas. Ouais, il y a la météorite lambda, hein, celle pour laquelle on va pas. Le niveau de cette émission s'effondre jour après jour. Non, j'aime beaucoup ça, les vignettes Panini. 85% des météorites qu'on trouve au sol sont du type des chondrites que vous citiez tout à l'heure, qui tirent leur nom des chondres, qui sont des billes de silicate et de métal qui se sont formées au premier temps du système solaire dans les premiers millions d'années. Et ça donne à la météorite un aspect assez caractéristique, parce que si elle est coupée, on voit comme ces petites billes de polystyrène, ça ressemble à du polystyrène, mais c'est pas du polystyrène, qui composent l'intérieur de la pierre. Et ça, c'est assez, c'est du vulgum pecus, quoi. C'est vraiment le caillou un peu vulgaire. Oui, on peut se l'acheter, je sais pas si on aura à Drouot, ouais. Puisque c'est de l'ordre de c'est quelques dizaines de centimes d'euros pour un gramme. Voilà. Donc vous ne faites pas avoir, hein, si votre chair est tendre vous dit « Regarde, c'est une pierre tombée du ciel », si ça se trouve c'est vraiment un vulgaire bout de caillou, vraiment scandaleux. Bon, mais rapidement pour la suite, quelle météorite je veux sur ma bague de fiançailles, Olivier? Moi, je veux la tout météorite savoir. Martienne, la météorite martienne voilà. Est la plus rare, puisqu'on a trouvé peut-être un peu moins de 200 sur Terre. Alors on sait qu'elle vient de Mars, parce qu'avec les données qui ont été obtenues par les robots martiens ou la sonde Viking, on sait de quoi elles sont, de quoi elles peuvent être composées. Je vous ai perturbé, oui, mais... Notamment les météorites martiennes qu'on a trouvées sur Terre, en faisant ce fameux échantillonnage que je disais tout à l'heure, on en tire 20 grammes, on peut retrouver des gaz à l'intérieur qui sont captifs à l'intérieur de la météorite, et on retrouve une composition qui est celle qu'on observe sur Mars elle-même grâce aux robots et aux engins qu'on a envoyés là-bas. Cécile, vous avez pris votre place pour le 21 octobre à Drouot. Vous serez à la vente aux enchères? Absolument pas. Je n'ai pas les moyens de me présenter. Et puis, je vais ajouter un truc. Oui. Ah oui, pardon. Non, je trouve ça. Je préférerais que toutes ces météorites aillent dans au dans des laboratoires. Ouais. Mais ça. Et justement, je voulais juste rajouter. Donc, Olivia a parlé de Vigiciel, mais il y a un programme qui s'appelle Fripon. Alors, c'est un acronyme qui veut dire un vrai truc, dont je ne me souviens absolument pas. Mais c'est un programme qui a mis des petites caméras 360 degrés un peu partout en France pour justement guetter l'arrivée de ces météorites et pouvoir après aller les chercher. Merci beaucoup à tous les trois. Olivier Lasker à la une de Science et Avenir. L'univers violent. Ses rayonnements, ses trous noirs, ses météorites. Tout un programme. Hashtag Science, hashtag numéro science, 2. Le numéro 3, Nicolas, numéro 3, tout augmente, qui sort jeudi avec en couverture les extraterrestres, les vraies raisons d'y croire. Donc c'est la version junior de Science et Avenir. Cécile, pour la science à la une. Vers une nouvelle théorie de l'infini, l'hypothèse du continu bientôt prouvée. L'hypothèse du continu, c'est l'hypothèse qui est entre l'infini des nombres entiers et l'infini des nombres réels. Il n'y aurait pas d'autres infinis. Et cette hypothèse émoustille beaucoup les mathématiciens. Ça m'émoustille aussi un peu, je dois dire. On va peut-être faire une émission là-dessus bientôt. Elodie, Paint of Science, c'est quand le programme? Ça Alors, se passe quand? On a des événements spéciaux pour la fête de la science qui sont du début d'octobre, entre le 5 et le 13 octobre. Paintofscience.fr. Super. Super, on vous met tout ça évidemment sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jacques Azubert à la technique. On jette un œil à ce que nous vous avons préparé dans le labo de la méthode pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de biais cognitifs. Mardi, sera question de cette planète K2-18R sur laquelle on aurait retrouvé de la vapeur d'eau. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mercredi, on parlera des nanotubes de carbone. Jeudi, nous aurons le plaisir d'accueillir le camarade Étienne Klein pour son nouveau livre sur le vide. Et vendredi sera un vendredi fiction. Nous parlerons de la zone 51 et de l'accident de Roswell dans la science-fiction. Demain, c'est précisément le camarade Étienne Klein qui reçoit Gérald Bronner dans la conversation scientifique à 16h. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.